les ovnis existent. Ils sont le fait de civilisations extraterrestres qui viennent visiter la Terre depuis très longtemps. Ils rentrent de temps en temps en contact avec certaines personnes par les enlèvements ou par des contacts, des rencontres. Il y en a des gentils et il y en a des méchants, hein, pour schématiser quoi. Il y en a qui nous veulent du bien, il y en a qui nous veulent rien, il y en a qui nous veulent du mal. Et c'est tellement gros, c'est tellement énorme que les gouvernements le savent et ils cachent la vérité. Ça, c'est le on va dire la vue d'ensemble, la croyance que j'ai et qu'on a à cette époque-là. Notre devoir, c'est d'être complotiste pour dénoncer les comploteurs. Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV? Qui? Ben c'est la communauté que vous connaissez bien. Ni oubli, ni pardon pour tous ces enfoirés. Rien. Sachez bien que vous allez payer. Réveillez-vous! Tout est calculé! Du complotisme, de la désinformation, du harcèlement, ça a été très très très dur. Je réalise que les personnes qui rentrent dans ces récits complotistes sont en train de se créer une réalité alternative. Bonjour à toutes et à tous, je suis Héloïse Weiss, bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. C'est une parole rare que vous allez entendre aujourd'hui, celle de Julien qui, depuis son adolescence, développe une passion pour les ovnis. Cette discipline, l'ufologie, lui ouvre la porte d'un autre monde peuplé de reptiliens humanoïdes et de vérités cachées. Une véritable obsession qui l'a même poussé à rédiger un livre sur le sujet. Aujourd'hui, Julien est revenu de sa phase complotiste et témoigne pour sensibiliser le public. Voici son histoire. Je m'appelle Julien, j'ai 35 ans et je viens du sud de la France. Donc j'ai jamais manqué de rien, mes parents étaient plutôt classe moyenne sup, je suis toujours parti deux fois par an en vacances, à la mer, au ski, toute mon enfance, enfin voilà, les gens tout à fait standard, lambda. Mais ma mère était quand même très branchée, New Age, ésotérisme, les choses un peu mystiques comme ça, et côtoyait pas mal de gens comme ça. Et du coup, de fait, je les ai côtoyés en étant gamin. C'était pas étonnant d'entendre parler de ça à la maison, quoi. Voilà, qu'il y avait des anges ou des êtres de lumière ou des choses qu'on voyait pas. Voilà. Il se trouve qu'un jour, j'étais avec un copain, ça devait être à la sortie du lycée, certainement. En plein jour, on a vu un truc dans le ciel, genre ballon de rugby, c'est tout petit, hein, la taille d'un ongle, quoi, à bras tendu. Ça faisait la forme comme un ballon de rugby argenté, quoi, brillant, en aluminium, quoi, qui se déplaçait tout doucement comme ça, qui est passé derrière le toit d'une maison et qui n'est jamais ressorti de l'autre côté. Ça a duré peut-être 30 secondes. Et dans l'entourage familial, je savais qu'il y avait j'avais un oncle qui était déjà bien versé là-dedans. J'avais déjà entendu en parler et tout, mais pas plus, je le côtoyais pas plus que ça, quoi. Je dois en parler à mes parents qui me disent « Ah, mais il faudra que tu racontes ça à ton oncle ». Et lui a été très très très intéressé parce qu'il avait déjà lui un gros bagage de culture ufologique depuis les années 70, quoi, depuis que ça a explosé en France en fait, quoi, dans les années 70. Et en gros, il m'a dit bah oui, il m'a apporté une explication à ce que j'avais vu, quoi, une possibilité d'explication à ce que j'avais vu, et il m'a fait un peu mettre le doigt dans l'engrenage ou entre-ouvrir la porte de « oui, t'as vu ça, mais t'es pas le seul, et il y a des millions de gens qui voient des choses, et voilà ce qui se passe, et voilà. » Et ça a commencé comme ça. Nous sommes dans les années 2000. À 15 ans, Julien découvre d'abord Top Secret, un magazine pseudo-scientifique et complotiste qui prétend élucider les phénomènes inexpliqués, les miracles religieux ou les mystères historiques. Et alors que l'usage d'Internet se démocratise, l'adolescent mène ses premières recherches. Au départ, c'est je m'intéresse aux phénomènes, quoi. Je m'intéresse à l'ufologie. L'ufologie, c'est l'étude des ovnis, les objets volants non identifiés. Depuis des millénaires, ces êtres viennent sur la Terre. On pense que nous sommes, nous, les terriens, le résultat d'une de leurs expériences. Dans l'histoire moderne de l'ufologie, le cas le plus célèbre, c'est l'affaire de Roswell. En juillet 1947, un certain William McBrazel découvre des débris éparpillés dans un ranch près de la base militaire américaine de Roswell, au Nouveau-Mexique. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Dépêchée sur place, l'armée annonce dans un premier temps être en possession d'un disque volant. Puis, le lendemain, elle rectifie et parle d'un ballon sonde météo. Sauf que ce rétro-pédalage alimente de nombreux fantasmes qui se réveilleront 30 ans plus tard lorsqu'un des militaires présents sur les lieux à l'époque conteste l'explication officielle. Cette histoire, aujourd'hui, les ufologues l'ont bien en tête car, selon eux, elle prouve l'existence des extraterrestres. Je me rends compte qu'il y a énormément de témoins, que ça existe depuis longtemps, qu'il y a une diversité de témoignages et de qui est folle. Puis très vite, je tombe sur le phénomène des enlèvements. Donc là, c'est des gens qui disent, qui racontent, ils ont été enlevés quoi, par les occupants des ovnis, donc des soucoupes volantes. En fait, parce qu'on dit ovni, c'est le terme générique, non identifié, mais dans notre tête, c'est très bien identifié. C'est soucoupe volante, c'est vaisseau spatial. C'est pas, voilà, on appelle ça ovni parce que c'est le terme d'usage, mais pour nous, c'est tout à fait identifié. Et donc, il y a des gens qui racontent avoir été enlevés par ça, par leurs occupants. Je commence à y consacrer beaucoup de temps. Je me suis très vite rendu compte que l'Internet américain était beaucoup plus riche et qu'il était beaucoup plus intéressant, donc aussi sur l'Internet américain. Et il se trouve que dans mon oncle, les amis, tout ça, j'étais le seul à comprendre l'anglais, à le comprendre à l'écrit, quoi. Enfin, à l'oral un petit peu aussi, mais surtout à l'écrit. Et du coup, je suis vite devenu une ressource intéressante pour les papiers anglais, quoi. Et j'ai commencé à acheter des livres aussi, c'était le début d'Amazon à l'époque. Donc on commençait à trouver des livres sur Amazon. Je me rappelle mon premier livre acheté sur Amazon, Le plus grand secret de David Icke. David Icke, c'est l'un des théoriciens du complot britannique les plus influents aujourd'hui. Dans les années 90, il a rendu populaire un mythe très important, l'idée selon laquelle le monde est dirigé secrètement par des reptiles venus de la constellation Draco, les Anunnaki. Et parmi ces reptiliens sous forme humaine, David Icke compte les membres de la famille Rothschild, George W. Bush et même Hillary Clinton. Un truc assez fou, comme quoi les plus grands de ce monde sont tous des extraterrestres reptiliens qui ont forme humaine, et pour garder forme humaine, ils sont obligés en gros de boire le sang des enfants, quoi. Enfin, c'est de ce niveau-là, quoi. On va dire la trame de fond à ce moment-là, une fois que j'étais bien dans le milieu, la trame de fond des croyances, c'était les ovnis existent, parce qu'il y en a qui disent que ça n'existe pas, les ovnis existent, ils sont le fait de civilisations extraterrestres qui viennent visiter la Terre depuis très longtemps, ils rentrent de temps en temps en contact avec certaines personnes, par les enlèvements ou par des contacts, des rencontres. Il y en a des gentils et il y en a des méchants, hein, pour schématiser, quoi. Il y en a qui nous veulent du bien, il y en a qui nous veulent rien, il y en a qui nous veulent du mal. Et c'est tellement gros, c'est tellement énorme que les gouvernements le savent et ils cachent la vérité. Ça, c'est on va dire la vue d'ensemble, la croyance que j'ai et qu'on a à cette époque-là. Alors, on essaye d'agir. Je dis « on » parce qu'on était plusieurs. Hein, du coup, quand on se voit, on a des soirées, on se fait soirée barbecue, soirée pizza, enfin, comme n'importe quelle soirée entre amis, quoi. Sauf que ça va tourner autour de ça. Ça va tourner autour des dernières découvertes de chacun, de l'un, de l'autre, voilà. Des derniers témoignages qu'on a lus, du dernier livre, de la dernière conférence d'un tel. Et aussi, et rapidement, c'est devenu « et surtout de... » des messages que mon oncle recevait en direct de ces entités-là. Parce que lui, très vite, il a développé prétendument des capacités de médium, en fait. Et il était en contact avec ces êtres-là, des êtres venus d'ailleurs, d'autres dimensions, d'autres plans, qui lui donnaient des informations sur nos recherches, sur tout ça. Et donc, les rencontres en général tournaient beaucoup autour des messages qu'on pouvait recevoir via la médiumnité de mon oncle. Ça donnait notamment de l'écriture automatique, où mon oncle rentrait dans une sorte de transe, un peu comme de la méditation, quoi, et son bras bougeait tout seul, avec un stylo, quoi, à la main, un stylo ou un feutre, ou peu importe, et il écrivait, griffonnait, dessinait. Alors ça Ça peut évoquer plein de choses, là. Des lettres capitales, des points, des cercles. Sol, Julien me montre ses feuilles griffonnées par son oncle. Je me rappelle, il avait mis super longtemps à faire ça. Ça avait duré, je sais pas, peut-être un quart d'heure, quoi, juste sur cette feuille. À placer toutes les étoiles. On ne sait pas trop s'il y a un sens, pas de sens. Voilà, ça, pareil, ça m'a occupé longtemps à chercher, à le scanner, à voir si ça se superposait sur une région du ciel ou pas. À cette époque, les parents de Julien travaillent énormément et sont peu disponibles. Lui n'est pas encore majeur et son oncle devient à la fois son meilleur ami et une figure paternelle de substitution. Un peu comme un mentor. Et très rapidement, oui, on s'est vu très très souvent, passé énormément de temps ensemble. Et aussi, du coup, vu que lui, il a viré un peu médium, c'est lui qui m'a aussi introduit là-dedans. Il y a l'ufologie, tout ça, mais derrière, il y a la spiritualité. On aurait pu le qualifier, mon oncle, de gourou, mais un peu malgré lui, en fait, je pense. C'est assez terrible, d'ailleurs, parce que je pense que ce qui lui est arrivé, c'est en partie de notre faute, aussi. C'est-à-dire que lui, dans notre petit groupe d'amis, quoi, dans notre cercle un peu de travail, où on parlait de ça, c'était le seul à être médium. Et forcément, il n'y en a pas à tous les coins de rue des médiums. Du coup, on le sollicitait énormément. Dès qu'il nous invitait à boire un coup, qu'on fasse quelque chose, systématiquement, à un moment donné, on allait lui demander quelque chose. Mais c'était systématique. Et je pense que lui, à un moment donné, il aurait voulu que ça s'arrête. Mais on lui a laissé aucune possibilité de prendre une autre place que ça, en fait. Il était là pour nous apporter des messages et un peu pour nous guider. Et c'est tout. Et pour nous, ça nous a même jamais effleuré l'esprit que peut-être il voulait juste passer du temps avec nous et pas qu'on lui demande des trucs, quoi. Donc oui, en ce sens-là, il a eu un rôle, mais c'est un rôle qu'on lui a donné, nous. Et lui, il était d'un tempérament plutôt effacé, en plus. Plutôt à être timide, maladif. Et je pense qu'on lui a pas laissé le choix, en fait. On l'a forcé à être notre guide. Hormis ça, ma vie à côté, elle est très compliquée. Elle est très compliquée parce que, au début, des problèmes de santé pour moi. J'avais des problèmes de santé assez invalidants. J'ajoute ici que les maladies douloureuses, difficilement prises en charge et parfois inexplicables, sont une porte d'entrée vers des croyances alternatives. Donc ma vie à côté, elle est régie un peu par les problèmes de santé. Moi, bonne crise d'ado aussi, à la maison, c'est pas super fun, je m'entends pas super bien avec mes parents, mais un peu comme mes autres potes au lycée à ce moment-là, quoi. À l'époque, je me suis mis à fumer aussi, cannabis, beaucoup, ce qui a pas aidé aussi à garder le lien avec le monde réel, quoi, on va dire. C'est-à-dire que dès que j'étais un peu obligé de me confronter au monde réel, au lycée ou à la maison ou quoi, machin, je fumais des joints, voilà. Je pense avec le recul, pour anesthésier ou un mal-être, une douleur, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon oncle est décédé à peu près à l'époque où je rentrais, moi, dans ma vie d'adulte. Et je pense que, alors c'est terrible à dire, hein, mais malheureusement je le pense, que d'une certaine manière, c'est ce qui m'a sauvé, entre guillemets, et qui m'a sorti de ça. Au moment où je rentrais, au moment un peu critique justement, où je rentrais dans ma vie d'adulte indépendant, autonome, quoi. Il se trouve que mon oncle, il s'est suicidé, et que ça a été un choc assez terrible, hein, donc. Forcément, pour la famille, pour tout le monde. Mais pour moi, parce que pour moi, c'était inconcevable. Il était tellement en contact avec des êtres puissants, il brassait tellement d'énergie puissante et positive et tout, que c'était antinomique avec la dépression, quoi, en fait, avec la maladie psychiatrique et la dépression. Et donc, il a fait une décompensation, il a fait de l'hôpital psychiatrique pendant plusieurs mois, et quand on a cru que ça allait mieux, il a fini par se suicider, en fait. Et donc moi, ça a été un choc, j'ai déjà dit, ça a été un choc terrible. Mais là, quand même, ça m'a mis un coup dans le sens où, vu qu'il était médium, toutes les informations qu'on avait, tout ça, on était quand même beaucoup basé sur le ressenti. Notre ressenti ne nous mentait pas. Et là, force était de constater que son ressenti l'avait planté, quoi. À un moment donné, ça avait planté quelque part. Où est-ce que... Comment c'est possible qu'on nous dise que des êtres prétendument bienveillants, prétendument supérieurs, nous disent « faites confiance à votre ressenti, vous êtes sur le droit chemin, travaillez, éveillez les consciences, voilà, continuez », et qu'en parallèle, on laisse son principal émissaire tomber si bas dans la maladie avec tout ce que ça apporte d'aspects dégradants, humiliants, parce que c'est terrible, quelqu'un qu'on fait interner en psychiatrie et qu'on voit sombrer de semaine en semaine, c'est terrible. Et comment des êtres supérieurs peuvent laisser arriver ça et ne pas le sauver, ne pas lui donner les moyens de se sauver et en arriver jusqu'à qu'il mette fin à ses jours, quoi. Est-ce qu'on nous aurait pas manipulé? Est-ce que ces entités-là, en fait, se présentaient comme bienveillantes, mais du coup, enfin, forcé de constater que le résultat est loin d'être positif? Donc, peut-être qu'en fait, c'était des entités négatives depuis le début. Peut-être qu'on est manipulé. Peut-être que tout ce qu'on nous a dit, c'est du vent. Et là, moi, j'ai fait un peu barrière sanitaire, quoi. J'ai fait stop. J'ai tout coupé. Tout ce qui était le ressenti, le machin, la médiumnité, ce qu'on nous disait, j'ai mis un gros recul à tout ça. Mais oula, attention. Ce recul est aussi physique. Julien trouve un travail et doit alors déménager de sa région, ce qui ajoute une distance supplémentaire entre lui, le New Age et son groupe. Mais pas encore avec les extraterrestres et les théories du complot. À l'été 2014, donc, je rentre en voiture de chez un ami et on est de nuit et par la fenêtre, je suis témoin d'un deuxième ovni. Et par la fenêtre, je vois trois points, en fait, qui se déplacent sur le fond de ciel. Donc, je m'arrête, je sors de la voiture, voilà, histoire que ce soit pas un reflet, que ce soit pas... Voilà. Je m'arrête et je vois effectivement ces trois points se déplacer. Donc, ce que j'interprète comme un triangle, en fait, un immense triangle. Parce que dans la culture ufologique, les triangles géants, c'est quelque chose de fort. Ça serait une espèce alien en particulier, quoi, qui aurait ses vaisseaux géants, voilà. Et du coup, je vois ça, donc je m'arrête, et ça dure quelques minutes avant de disparaître derrière le relief, au loin, quoi. C'était très bas sur l'horizon. Et donc, on est au milieu de la nuit, je sais pas, c'est 1h du matin, je suis au milieu de nulle part, voilà, y a personne. Et donc, je rentre chez moi, j'en parle à mes proches, je leur explique à peu près où c'était, ah bon, incroyable et tout, machin. On en parle comme des anecdotes qui pouvaient nous arriver à l'époque, mais pas plus, quoi, voilà. Quelques semaines, mois après, il y a en France, en Europe, le début des vagues de survol qu'il y a eu des sites nucléaires par des drones. Cela s'est passé de nuit ou au petit matin. Le 5 octobre dernier, un drone survole la centrale de Crémalville dans l'Isère. Et ça commence à passer dans les médias, généralistes, quoi, à la télé, à la radio. Au cours du mois d'octobre, 12 centrales ont ainsi fait l'objet de survols, dont 5 ce vendredi soir entre 19h et minuit. Il s'agit des sites de Penly, Flamanville, Saint-Laurent-des-Eaux, Dampierre-en-Burly et Fessenheim, en jaune sur cette carte. Le petit monde ufologique était déjà un petit peu en ébullition quand même, dès les premiers survols, parce qu'il y a toujours eu un lien très fort entre le nucléaire au sens large et les ovnis dans le folklore ufologique. En fait, pour certains ufologues, l'explosion de la bombe atomique sur Hiroshima en 1945 aurait agi comme une sorte de signal pour les extraterrestres qui se seraient manifestés pour maintenir la paix dans le monde. Depuis, ces ufologues sont persuadés qu'il existe un lien entre les ovnis et les sites nucléaires, civils ou militaires. Et là, je regarde sur une carte, je reprends sur une carte, je regarde où j'étais au moment où j'ai vu mon triangle dans le ciel. Je regarde la direction de l'observation et en fait, je vois que sur la carte, l'objet que j'ai vu, pour moi, il devait être à peu près directement au-dessus d'un site nucléaire, en fait. D'un site nucléaire bien connu, enfin voilà. Et là, dans ma tête, c'est... là, il se passe un truc, quoi. C'est pas anodin, quoi. Là, ce que j'entends à la radio, en fait, je l'ai vu et ça a commencé. Ils disent que ça a commencé en septembre. Non, non, mais moi, je peux témoigner que ça a commencé au mois d'août, quoi. Et là, je me mets en tête d'enquêter là-dessus. Parce que donc, j'avais, comme j'ai dit, j'avais laissé un peu de côté tout ce qui était ressenti, médiumnité, New Age, tout ça, voilà. Par contre, les ovnis donc, m'intéressaient toujours. Et là, il y avait quelque chose qui m'intéressait, avec potentiellement de la matière à investiguer, et dont moi, j'avais été témoin d'un petit bout. Donc, c'était le bonheur, quoi. J'ai commencé à éplucher toute la presse européenne, à recenser les survols. Je fais des cartes, des tableurs Excel, en plus finir avec des dates, des lieux, des nombres de survols, est-ce que du bruit a été entendu, pas du bruit, combien de témoins, reconnus officiellement, oui ou non, par qui. Enfin, vraiment un truc assez poussé. J'ai réussi à rencontrer des témoins de première main de différents sites nucléaires qui étaient là les soirs. Donc ça veut dire quand même arriver à savoir, à connaître des gens qui travaillent dans le milieu du nucléaire. À savoir s'ils étaient en poste ou pas, les moments où il y a eu les survols, enfin, c'est des milliers d'heures de mails, de coups de fil, de machin, de trouver les gens sur Facebook, ah mais il s'appelle un tel, mais machin, dans les articles des fois de presse, il y a les prénoms avec la ville, et bien aller chercher sur les réseaux sociaux, si on retrouve la personne, ça allait très loin. Et là, je me suis rendu compte que les témoignages, c'est très, très, très, très compliqué, en fait. Ce qu'ils me racontaient en témoignage ne collait pas du tout avec ce qui avait été relaté par la presse et d'autres témoins et les autorités. Mais sur des points tout à fait factuels, quoi. Sur est-ce qu'il y avait du bruit, pas de bruit, est-ce que. Voilà. On m'a raconté des trucs improbables. C'était assez fastidieux et moi, c'est venu remettre en question la croyance naïve que j'avais que les gens qui témoignent, en fait, c'était comme moi, quoi. Ils étaient de bonne foi, ils inventaient pas. Alors je pense toujours que la plupart que j'ai rencontrés, ils étaient de bonne foi. Hein. Mais en fait, peut-être qu'ils inventent et peut-être qu'il y a des choses que j'ai vues qu'avec le recul, j'ai embelli ou j'ai modifié pour faire coller à ce que je voulais avoir vu, en fait. Et j'ai commencé à voir ça chez les autres. Du coup, chez les gens que je rencontrais. Et si Julien enquête depuis un an et demi sur son temps libre, cette prise de conscience bouleverse son projet, celui d'écrire un livre sur ses ovnis. J'arrive vraiment à quelque chose d'assez conséquent, quoi, de 200 pages, hein, sourcé, voilà. Mais je suis bien embêté, parce que pour moi, c'était les survols de centrale. Quand j'ai commencé, c'était clairement... des extraterrestres, quoi. C'était des extraterrestres qui venaient voir ce qui se passait, ou nous avertir d'un danger, enfin voilà, c'était alien. Et mon enquête m'a montré que je ne pouvais pas, en me fiant aux faits, conclure là-dessus. Les seuls faits auxquels je pouvais conclure, c'était qu'il y a des choses qui ont survolé les sites nucléaires français, très potentiellement des drones. Et je pouvais rien conclure de plus parce qu'en fait, on savait pas quoi. Et si j'avais dit autre chose, ça aurait été de la croyance. Et je ne voulais pas. Donc j'en parle dans le milieu ufologique avec les gens avec qui m'ont un peu aidé là-dedans. Je leur demande leur avis et c'était unanime. Même eux, sans se connaître, même sans se concerter, c'était « Mais si, mais c'est très intéressant, mais il faut que tu donnes ton avis à la fin, mais il faut que tu conclues, mais il faut que tu dises quelque chose, mais il faut quand même aller au-delà, quoi. » Et pour moi, non. Pour moi, c'était pas la démarche, quoi. Et plus ça allait, plus je me suis rendu compte qu'en fait, le milieu ufologique était à peu près indifférent aux faits la plupart du temps. Et ce qu'ils voulaient, c'était une conclusion, une belle conclusion, quoi. Ils voulaient que je leur écrive que toute mon enquête menait à des survols d'origine extraterrestre ou d'origine militaire secrète. Mais ils voulaient qu'il y ait du mystère derrière, quoi. Et moi, ça cadrait plus avec ma nouvelle façon de penser, quoi. En fait, avec un peu mon nouveau logiciel mental, où le ressenti, la croyance, la vie m'avait montré que ça pouvait nous induire en erreur et parfois dramatique, et que les faits, quand même, c'est ce qui nous rattache à la réalité à un moment, quoi. Et cette façon de penser-là, dans le monde ufologique, je l'ai pas du tout retrouvée. Du coup, je m'en suis éloigné. Et graduellement, je m'en suis éloigné, en fait, et je me suis tourné vers d'autres centres d'intérêt. Mais ce n'est que 3 ans plus tard que Julien connaît ce qu'il appelle le coup de grâce à son monde imaginaire. Il se trouve qu'AstronoGeek, à un moment donné, a sorti une vidéo sur les crop circles. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été énormément demandé. Un sujet qui soulève beaucoup, beaucoup d'interrogations tant il reste nimbé de mystère. AstronoGeek, c'est un YouTuber connu pour ses vidéos de vulgarisation en astronomie, mais qui s'attache aussi à démystifier, à débunker des théories et des croyances, en l'occurrence les crop circles. Les cercles dans les champs, quoi, qui dans le monde ufologique et voilà, sont des dessins des extraterrestres, en fait, quoi, des aliens. Ou entités d'autres dimensions, voilà, vous y raccrochez un peu ce que vous voulez, mais c'est des dessins venus d'ailleurs, hein, voilà. Et moi j'y croyais, ça, comme tout le reste, parce que pourquoi pas, il n'y a pas de raison, en fait, parce qu'au moment où je croyais à tout le reste, ça, il y avait aucun mal à l'insérer dans mon logiciel de croyance, ça rentrait très bien. Donc AstronoGeek sort sa vidéo, où il raconte, et il montre en fait... Hein, que c'est lui qui l'a fait, le crop circle, avec 2-3 autres youtubeurs. Une fois la nuit tombée, nous nous rendons dans le champ. J'habite à la Cambrousse, autant dire que j'ai plein de voisins agriculteurs. Le premier à qui j'ai demandé si je pouvais faire un crop circle chez lui n'avait pas de champ assez grand. Mais le deuxième était le bon. Et là, je me rappelle très bien voir la vidéo, avoir un petit sourire nerveux tout le long de la vidéo et à chaque nouvelle séquence, dire « Ah l'enfoiré, ah l'enfoiré, il est très fort !» Et tout du long, mais vraiment quoi, et c'était... À la fois, ça faisait mal, mais c'était jouissif parce que c'était magistral. Elle était magistrale, cette vidéo. Et quand il va en caméra cachée dans le crop circle, rencontrer des gens qui sont là en tailleur à ressentir les énergies. Mais ces gens-là, c'était moi, il y avait quelques années avant, quoi. Alors que c'est lui qui l'avait fait. Les gens qui disent, oui, on sent bien que ça vient d'ailleurs. Et pour moi, c'était mais... Et là, vraiment, là, je dis, OK, si ça, c'est faux, faut vraiment... Je me suis dit, là, faut vraiment que tu creuses parce que si ça, c'est faux... Si on t'a pu te berner comme ça aussi facilement, le reste, ça doit pas être bien mieux, quoi. Et donc là, j'ai commencé à creuser le reste. Et là, ça fait les dominos. Il y a tout qui est tombé un par un, quoi. Julien découvre d'autres créateurs de contenu consacrés à l'esprit critique. Et c'est là qu'on lui apprend l'existence des biais cognitifs, des mécanismes de pensée humains qui peuvent fausser un raisonnement. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de me déculpabiliser, de me dire... Ouais, tu t'es fait avoir, mais tu t'es fait avoir parce que ton cerveau il fonctionne comme ça, parce que telle personne sait que les cerveaux fonctionnent comme ça et s'en servent aussi pour vendre des livres, des conférences, faire passer des messages. Du coup, je ne l'ai pas très mal vécu, étonnamment. Ça a plus été une découverte qu'une douleur, vraiment le fait de déconstruire ça. L'amour propre en a pris un coup, c'est sûr, mais franchement pas énorme. Après, j'ai jamais été quelqu'un de très porté sur l'ego, sur, enfin voilà, j'ai beaucoup d'autodérision, je pense, et de recul sur moi-même, enfin, en tout cas maintenant. Mais j'ai toujours eu beaucoup d'autodérision, voilà, donc je me suis dit merde, t'as vraiment été trop con, quoi, voilà. Et mais du coup, j'ai été trop bête, j'ai pas envie de mourir bête, j'ai quand même à voir pourquoi, et je me suis du coup cultivé sur comment je me suis fait avoir, comment les gens peuvent se faire avoir, et comment éventuellement ne plus se faire avoir tant qu'à faire. Et à partir du moment où j'ai commencé à me rattacher aux faits, tout ça, parce qu'entre-temps, en fait, j'ai parlé du fait que j'avais eu des problèmes de santé. Ils sont pas disparus du jour au lendemain, ils ont continué, ils ont toujours été là. Et il se trouve qu'ils ont été en partie réglés par les médecins et la médecine et les médicaments. Et les médicaments que j'ai pris à forte dose, hein, voilà, on me disait oui, les effets secondaires et tout... Ça te rend malade, on voit que t'es moins bien. Et oui, je suis moins bien, n'empêche que je suis pas mort, quoi. Donc, je suis pas mort, et je suis sur mes deux jambes, et enfin, voilà. Moi, je sentais que ça allait quand même vachement mieux, quoi. Et avec le recul maintenant, avec voilà, plein des nouveaux traitements, enfin, moi, je dois énormément à la médecine de Big Pharma. Hein. Si je vais bien, si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est parce que la médecine me le permet. Du coup, très rapidement, je me suis mis à jour de mes vaccins aussi. Voilà. Il se trouve qu'en fait, pour mon emploi, ils demandaient il fallait que j'aie ma couverture vaccinale à jour, en fait, simplement. Et en fait, les ressources humaines, quand je leur ai scanné ma page de carnet de santé, se sont rendus compte que j'étais pas à jour du tout. Et moi, je me posais même plus la question, en fait. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai rattrapé un peu le retard à ce moment-là. Ce que ça a changé quand même, c'est d'accepter l'inconnu. C'est-à-dire que paradoxalement, on pourrait croire qu'en étant dans le monde de l'ufologie, de tout ça, c'est un... on berce dans l'inconnu, mais non. Parce qu'on trouve des réponses à tout. On trouve des réponses à tous les phénomènes qu'on voit. Que maintenant, j'ai réalisé que dans la vraie vie, ça ne marchait pas comme ça. Et que notamment dans la science et dans l'astronomie, l'astrophysique, pour les sujets qui me tiennent à cœur, on n'a aucun problème à admettre les choses qu'on ne sait pas. Et les choses qu'on ne sait pas sont infinies. Et au final, c'est ce qui est beau, je trouve, maintenant. C'est ce qui me permet de me dire qu'en fait... j'en ai pour toute ma vie à creuser le sujet, que j'en aurais jamais fait le tour et que potentiellement nos descendants n'auront jamais fait le tour non plus. Et voilà, donc c'est principalement ça que ça a changé quand même. Ce qui m'a poussé à témoigner aujourd'hui, c'est que... Donc moi, ça a été assez... Ce qui a été difficile, ça a été la perte d'un proche, en fait. Mais au final, ma presque déconversion, j'ai envie de dire, si on peut utiliser ce terme-là, je ne l'ai pas mal vécu. Et je sais, pour m'intéresser du coup au monde de la zététique, au travail que vous faites à Conspiracy Watch et d'autres, que sortir de ces milieux-là, des fois c'est difficile et ça implique voilà, de perdre des gens proches, de perdre des contacts, voilà, ça peut être difficile. Et en fait, moi ce que j'espère pouvoir faire passer, c'est de dire que déculpabiliser quoi, déjà les gens, que ouais ok, vous avez cru à des trucs fous, bah, franchement quand je regarde aujourd'hui ce à quoi j'ai cru et quand je regarde qui je suis aujourd'hui, je me dis ouais la vache, ça, je suis vraiment parti loin, mais j'en suis revenu et je veux montrer qu'on peut en revenir en faisant un chemin plutôt positif quoi. Alors des fois il y a des difficultés c'est sûr, avec les proches, avec les... Voilà, moi j'ai dans ma famille, hein, ma mère est toujours dans ce milieu là, alors elle a jamais été autant intégré que moi là-dedans, mais il y est toujours dedans. Et elle, depuis le Covid, ça a été très compliqué, par exemple. Et voilà, pas vouloir que je me fasse vacciner, à me dire, à essayer de me faire peur pour pas que je me fasse vacciner, sauf qu'étant personne à risque, j'étais dans les premiers à avoir droit au vaccin. Voilà. Donc ça peut, voilà, ça peut impliquer des choses difficiles, mais quand même, dans la vie réelle, il y a des choses bien plus merveilleuses que les fadaises qu'on peut croire et trouver dans le monde ufologique. Vous venez d'écouter Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. Un grand merci à Julien pour son témoignage et sa confiance. Cet épisode a été écrit, monté et réalisé par Héloïse Weiss et préparé avec l'aide de Victor Motin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines sorties. Si vous aimez le podcast, vous pouvez le partager et nous laisser 5 étoiles pour le faire connaître et faire un don sur notre page Ulule.